Bon. Ah, salam la famille. Bien. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, les gros. Depuis ma violence volume 1. Tout d'abord, désolé pour l'attente. Ok. Ouais, gros. Toujours les mêmes salopards. On a toujours ce même salopard de game. La hyène, frérot. Hey. Cet album, il est gratuit, la famille. Voilà, je suis pas Patson, mais c'est cadeau. Hein? Parce que pour moi, c'est un échauffement. Tranquille. Chez nous, on fait pas payer l'échauffement. Oh. Encore un album va te faire péter les plombs, ouais. Encore du rap, t'as les causes du ghetto. Sponsorisé par la vitre négro. Les bâtards et les huissiers me follow. Sur la tête de mon banquier. Je suis en détection mes polos. En détection mes polos. Ouais gros. Je suis en galère depuis le départ. Je connais la rapacité des halls sales. La guerre et les embrouilles pour les kilos, les gros stars. Soir c'est dans le plot, m'ont attiré des gros staffs. Avec des banlieues arcs, tu verras pas en costard. En 94, validé sur le dossard. J'avance avec des rois à la peau noire. Petite et l'art dans la cova. Y'a du beurre, de la soude, de la feuille, du rail, du zouk, du macosa. Laissez. Laissez parler les youvois. J'rappe pour oublier que la vraie vie me fout droit. J'leur fous des revers, des smarts et des coups droits. J'les fais crier comme Monica. Avec ma sassène graille, un bon chicken chica. J'écris ce texte à Paris dans le foin. Pendant que mes frérots blaguent et tes smets font les bois pour Kachika. J'en ai plus rien à foutre de tes histoires de poudre ou d'erreur. Juste bâtard dans le film qui tire sous ton erreur. J'peux pas tout niquer car je suis à l'éterreur. Des fourrailles la pinque à la perre. Pour venger la mort de mes soldats, mes frérots. Faut investir dans la pierre, mais chez nous la roche d'or. C'est un putain de caillou de crack, c'est pas les Ferrero. Complètement pas haut. J'ai perdu mon temps comme on rodait à l'épaule au gros. La vie c'est pas le juste prix. La mort on en connaît tous le talent. J'ai grandi dans la rue là où les bâtards se déchirent. Pour accéder à la vie que tous les bâtards désirent. On est condamné à virer dans la hagla, c'est délire. Ou à se tirer dessus comme à Bagdad, c'est terrible. La putain de Saras. On kiffe les films où caillent des gros bonnets. Font la guerre pour la vie, des rêves et la monnaie. Mais dans le fond la fin du film on la connaît. On kiffe les stories où les tarbas ramassent le putain. Et snatch avant faire t'aller ou faut entomo. Entraînant la carcasse d'une pute en loup putain. Ouais gros. On veut des sous pour oublier la haine. On veut des sous pour la famille au blé. On fait du rap meurtrier pour que l'escarla des blocs puissent oublier leur paix. On en a rien à trop fou de ta morale. Et ta brochette de rappeur mytho négro on les paie. Comme les poussées gadoles. Ou Mario Maréchal Le. Ouais frérot. INZR. Eh, t'as du level frérot. C'est pas de ma faute si t'as pas le niveau comme en ligue soccer gros. Si tu seras pas à côté de tes pots comme le rappeur vendeur d'un footlogger. Eh, j'ai pas d'attirance pour les cougars. Mais la française, je vais lui niquer sa grand-mère. 9-4, Champigny United. Ok. Mordac, Boulro, c'était Jardin, Plateau, voilà. En attendant l'album, Thugs of Anarchy. Si, ça arrive les frères, Inch'Allah. J'rappe pour oublier que la vraie vue me fout droit. J'rappe pour oublier que la vraie vue me fout droit. Rosa, sale à la brotte.